voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre le changement pas à pas. Cyril et Denise vivent dans une yourte en pleine forêt. La porte est ouverte, on ne frappe pas, ils ont jeté la clé. Dans une démarche de simplicité, ils cherchent à se rapprocher toujours plus de l'autonomie et ont choisi comme modèle économique l'élevage de brebis. Rencontre avec ce couple et leurs enfants. Mirem à gauche, Mirem à gauche, à gauche. Stop! Stop! Stop! Voilà, donc des poules, des moutons, des yourtes. Donc Denise, à toi la parole. Raconte-moi tout, comment est-ce que tu es arrivée ici? C'était toute une histoire parce que donc moi ça fait depuis un moment que j'ai rêvé de cette installation en brebis et j'habitais sur un terrain dans ma yourte dans cette commune là et je voulais absolument rester dans cette commune parce que je me sentais bien et donc j'ai cherché un terrain pour m'installer. Entre temps après j'ai rencontré Cyril, donc on commençait à chercher ensemble et on a trouvé ce terrain là par une voisine qui nous en a parlé de ce lieu-là. Voilà, donc j'ai contacté les propriétaires qui habitent en Suisse et on a eu la chance de pouvoir obtenir un bail en fermage sur ce terre. Voilà, ça nous permet de nous investir dans ce lieu-là avec la sécurité quand même qu'on ne peut pas nous virer d'un coup et on peut quand même s'investir dans notre projet sans être obligé de tout de suite acheter. Donc le projet, c'est une petite ferme avec des brebis laitières, avec des brebis de Corse. Vraiment, le but, c'est vraiment une petite ferme avec une fromagerie. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que tu te diriges vers ce mode de vie? Est-ce que déjà, enfant, tu vivais dans un cadre qui ressemble à celui-là? Ou comment expliques-tu cette envie de vivre de cette manière-là, en proche de la nature et proche des animaux? Moi, j'ai grandi, il y avait mes arrière-grands-parents qui avaient une ferme. Donc, j'ai grandi, j'étais souvent dans cette ferme-là. J'ai grandi à la campagne. Et, ouais, donc à partir du moment où j'avais mes enfants, c'était sûr que je veux que mes enfants ils grandissent dans la nature. Et après, j'adore ça, ouais, j'adore d'être avec les bêtes, avec l'autre. Après, Cyril, pareil, on aime ça, ouais. On aime ça d'être avec notre troupeau et vivre autour du troupeau. Pourquoi se lancer dans l'élevage? Bien sûr, le but, c'est qu'on est quand même une grande famille. Il y a 3 enfants qui vivent en permanence avec nous. Il y a la 4e de temps en temps, comme on est une famille recomposée. Donc, c'est bien sûr le but aussi d'être autonome financièrement. Et moi, je n'ai pas envie de travailler n'importe quoi non plus. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, qui serait le pareil. On a envie d'être notre propre patron, c'est ça. Et faire grandir nos enfants dans les valeurs qu'on a. Parle-moi de ces valeurs. C'est la simplicité avant tout, quoi. Vivre dans la nature, qu'on n'est pas obligé d'être relié par un câble à l'internet, à une télé ou une radio, qu'on peut vivre tranquillement, être bien avec ce qu'on produit nous-mêmes, quoi. Et ce que la nature nous apporte aussi, surtout, quoi. Ce qu'elle nous donne. C'est un rêve d'enfant que je suis en train de réaliser, ouais. Ouais. Bah, j'ai déjà vécu de cette manière-là. Avant d'arriver dans l'Aude, hein, mais d'avoir vraiment un projet économique où y a quand même des choses qui sont en jeu, quoi. Un avenir qui est en jeu, quoi. C'est la première fois, ouais, que j'essaye de créer vraiment une entreprise, entre guillemets, quoi. Mais j'ai toujours vécu de cette manière-là, toujours l'envie de vivre de cette manière-là. Et je veux que mes enfants grandissent de cette manière-là aussi. Ouais. Ouais, je pense que pour moi, c'est une richesse pour eux de pouvoir encore grandir au milieu des arbres, au milieu des animaux, et de voir qu'on produit des choses très très bonnes. Simplement, ouais, de voir les poussins naître. Combien d'enfants sur Terre qui savent pas ce que c'est un poussin, quoi. Voilà, pour les enfants, c'est une richesse de pouvoir grandir ici. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Ça, c'est bien, ça. Le mot richesse, il est intéressant. Je vais me retourner vers Denise. Qu'est-ce que c'est qu'être riche, Denise? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est très personnel. Hein. Moi, ma richesse, c'est ma famille. C'est ça qui me rend riche dans ma vie. C'est ma famille, c'est mes enfants. Ouais, c'est aussi de ces moments-là de silence autour de toi. Quand tu amènes les bêtes dans le parc, tu le vois, tu vois le soleil, tu vois les arbres bouger. Pour moi, c'est la richesse. Après, il y a aussi, bien sûr, le côté financièrement, où justement, on aimerait bien avoir... de pouvoir vivre de qu'est-ce qu'on fait. Ouais. C'est pour ça ce projet de monter la fromagerie. Donc là, il y a quand même... Là, en fait, on est dans un moment dans notre vie, on va mettre un pied vraiment dans l'économie aussi. Donc on commence à faire la paperasse pour la fromagerie. Il faut qu'on prend un crédit. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il faut la rentabilité. Mais on est motivé, on a envie de ça, ouais. On a envie de gagner notre vie. Du coup, de pouvoir, par exemple, avec le fromage, on est obligé de, pour vendre et fabriquer du fromage, on est obligé de faire dans un labo qui soit aux normes. Et tout ça, ça implique un coût assez faramineux, quoi. Donc, on est obligé de rentrer dans ce système, d'utiliser ce système-là. Mais on veut continuer de le faire à notre manière, quoi. Voilà. Ta définition, à toi, de la richesse? De la richesse, pour moi, je l'assimile bien à la liberté, de pouvoir rester libre de choisir et de continuer de faire ce qu'on aime faire, quoi. Voilà, ma richesse, elle est là. Content de dire non quand j'ai envie de dire non. Et en termes de dépenses, quels sont les frais auxquels vous faites face mensuellement? Donc là, t'as pas de facture d'eau, t'as pas de facture d'électricité. Bah, si, on les a quand même avec la maison au village. On a la maison au village aussi, ouais. Des dépenses, c'est pour les brebis, le foin, le fourrage, la luzerne. Après, c'est clair, on essaye, on a des œufs, on a la viande qu'on n'a pas besoin d'acheter, on les a. On a des légumes. Donc ça, les légumes, la viande, les œufs, le lait, tu produis ça ici? Ouais, voilà, ouais. Le fromage... Donc, comment dire, il y a une partie dans l'année, on est quand même vachement bien. Parce qu'on a du lait, on a de la viande, on a du fromage, on a des yaourts. Voilà, on mange bien. Après, l'hiver, c'est pas comme ça. C'est intéressant aussi de phaser un peu votre vie en fonction des saisons. On commence par l'année. Donc, elle commence en hiver pour nous, l'année, on va dire. Donc c'est la période où nos brebis mettent bas. Donc c'est une période assez critique, quoi, où il faut être vraiment présent, bien observer tout ce qui se passe, bien nourrir nos animaux, avoir tout le temps un bon stock de nourriture pour eux. Après l'agnolage, donc, c'est la belle saison qui arrive, là, c'est le printemps, ça fait du bien. Tout est vert, et on est tout le temps dehors, quoi, on emmène nos animaux... manger là où c'est bon à manger, quoi. Le printemps, souvent on garde, donc on se promène, c'est surtout Denise qui se promène avec les animaux, quoi, pour les diriger là où il y a la nourriture. Et c'est la période aussi des semis pour le jardin, donc le maximum de choses, quoi, pour essayer de produire le maximum aussi. Et qu'est-ce qui se passe au printemps? À produire un peu de fromage, un peu de viande aussi, donc ouais, on est dans la production, ouais, vraiment, quoi. Et puis on se débrouille comme ça, quoi. L'été, un peu plus calme, continue la traite. Bon, cette année, on a tari nos bêtes vraiment très tôt, Normalement, on devrait les tarir à cette période-là, on est au mois d'août, donc il faudrait les tarir à cette période. Parce que de toute manière, on n'a pas le droit de vendre notre production laitière, vu qu'on transforme dans notre petite cuisine du village. Donc c'est vraiment pour nous qu'on produit et pour nos amis autour de nous, quoi. Et donc voilà, on n'a pas eu envie de leur tirer dessus, de les fatiguer plus qu'autre chose, quoi. On a eu vraiment envie de les laisser tranquilles. Elles ont passé l'hiver dehors en plus, donc elles n'étaient pas en super état au printemps. Donc voilà, rythmé comme ça, quoi. Normalement, l'été, c'est la traite, production fromagère et jardin, quoi. Et arrivé à l'automne, où normalement, là, c'est la période où on se repose, quoi. Donc cette année un peu particulière, puisqu'on lance la chose, quoi. On s'est reposé en été, et ça va être l'automne qui va être un peu plus la course, quoi. Donc l'automne, plutôt repos. Qu'est-ce qu'on fait quand on se repose? Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? On passe du temps avec nos enfants. Ouais, on essaye de profiter avec les enfants. Parce que c'est vrai, c'est pas... les enfants, ils sont quand même... Je veux dire, on est ici, mais Cyril et moi, on est souvent à droite et à gauche sur le terrain parce qu'il y a toujours des choses à faire. Prendre du temps avec eux, ouais. Faire des choses plus privilégiées avec eux, ouais. Avant, on parlait d'autonomie, avoir envie d'essayer d'atteindre une certaine forme d'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Comment tu le définirais? C'est une question très intéressante parce que c'est, pour moi, l'autonomie, il y a vraiment plusieurs, il y a plusieurs sens d'autonomie. Il y a l'autonomie financière qu'on veut arriver avec notre projet. Il y a aussi l'autonomie dans une société avec plein d'obligations, plein de règles. Donc quand même rester autonome dans ses propres valeurs, dans sa façon de penser. Et après, il y a aussi, pour moi, l'aspect d'autonomie, il y a aussi l'aspect personnel. Donc, ça veut dire, surtout, nous deux, on vit en couple, on travaille en couple. Donc, c'est aussi l'autonomie de rester soi-même aussi. Même en travaillant ensemble, psychologiquement, l'autonomie, pour moi, c'est de rester fidèle à soi-même. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Je suis venu ici en fait pour parler d'un sujet, hein, le sujet dont on parlait avant, c'est la sobriété heureuse, la simplicité volontaire ou la décroissance. Donc toi, Denise, quel est le terme qui te parle le plus et pourquoi, quel est le lien que tu vois entre ce terme et la vie que tu vis et que tu mènes aujourd'hui? Alors pour moi, la simplicité, c'est vraiment, je trouve que l'humain est un animal très complexe. On se prend beaucoup la tête, il y a beaucoup de codes, entre gens qui ne sont pas toujours évidents, culturels, sociaux. Donc pour moi, la simplicité, la pure simplicité que je vois, c'est quand je regarde mon troupeau. Notre troupeau, entre eux, c'est vrai, les chiens, les bêtes, c'est simple. La vie est plus simple. On peut se prendre la tête, on peut gueuler, on fait quand même confiance, on est quand même amis, on est, et ça m'a fait beaucoup de bien. Cette simplicité, de vivre avec cette simplicité animale, m'apaise. Qui c'est de vous deux qui va m'emmener faire un tour du terrain, de la propriété, pour voir un petit peu tout ce que vous avez autour de là? Faire le tour de la maison, ou de la yourte plutôt, faire le tour, de parler un peu comment ça fonctionne au niveau énergétique, au niveau l'eau, m'expliquer un peu le fonctionnement du système ici. Donc déjà là, on peut-être commencer par, je sais pas, on est où là? C'est la cuisine, on est en plein air, on a une table sur une petite terrasse et là je vois un point d'eau où il y a toute la vaisselle, ça représente quoi tout ça? C'est le point d'eau extérieur pratique en été. Un petit évier bricolé à l'extérieur, quoi. Alimenté avec l'eau de la rivière qui coule environ 100 mètres plus bas, un peu plus. L'eau qu'on remonte avec une petite pompe thermique là, super magique. Bon, ça utilise l'essence, hein, mais c'est quand même hyper pratique, quoi. On remonte 2000 litres d'eau en une demi-heure de temps. Donc c'est quand même super confort, quoi. Donc toute l'eau que tu utilises ici pour la vaisselle, pour faire la tisane, pour laver les aliments, pour te baigner, pour te doucher. Tisane. Celle-là, c'est vraiment que de l'eau, pratique, quoi. On la consomme pas. Ouais. La tisane, là, c'est de l'eau qu'on remonte de la source du village. Il y a une source qui coule en permanence du village. On remonte des jerrycans quand on y passe. Okay. On n'est pas encore autonome à ce niveau-là. Mais on pourrait le devenir parce qu'il y a une source qui coule pas loin. Voilà, à nous de travailler pour essayer de l'emmener jusque-là, quoi. Cyril, Denise, vous avez fait le choix de vivre dans la nature, dans une yourte, avec pas mal d'animaux, d'élever ses enfants dans un cadre très naturel. Un choix qui a peut-être interpellé la famille ou les amis ? Moi, ma famille, elle a un regard vraiment positif sur ma joie de vivre. Il y a ma mère qui vient tous les étés, qui passe ses vacances ici, qui pose la tente, qui est bien. Les parents de Cyril, pareil. Un petit frère qui va faire des études d'économie, qui va être, qui veut être banquier, tout ça. Donc il est venu cet été, c'était rigolo. Parce qu'il dit, c'est vraiment pas du tout sa façon de vivre, mais très respectueux, hein, voilà. Il vivra pas comme ça, mais il dit, tant que moi je suis heureuse comme ça, c'est bien. Ouais, et toi, Cyril ? T'as des frères et sœurs ? Ouais. Et alors ? Un grand frère qui a 3 ans de plus que moi et qui est comptable, qui bosse dans un cabinet comptable. Et pareil, qui n'a aucun a priori sur mon choix de vie et qui l'apprécie aussi. Hein. Il est déjà venu passer presque un mois ici. Il ne vit pas dans ce monde-là non plus. Hein. Il ne vit pas dans ce monde-là. C'est quoi ce monde-là ? Je dirais qu'il vit dans un monde normal, de société normale. Un boulot, loyer à payer, la télé, le grand écran. Une bagnole à entretenir. Voilà, un truc normal, quoi. Il est bien comme ça, ouais. Mais il n'a aucun jugement sur nous qui voulons vivre un peu plus reculé. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé, quoi, de vouloir porter des bidons d'eau pour boire, qu'on n'est pas obligé d'aller faire son bois pour pouvoir avoir chaud. Pour moi, en fait, c'est ça, être normal. Et je ne me pose pas la question, en fait. Pour moi, c'est normal, je vis de cette manière-là. Juste par... c'est même pas un choix, je suis comme ça. Je me pose pas la question, je suis bien comme ça. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.